Chapitre 5e. Le juge Cassard arriva peu après. Volpi et Michaud firent le point avec lui. « Décidément, Volpi, vous avez du boulot en ce moment, et toujours là quand il faut. C'est à croire que vous portez la scoumoune. Allez, je vous écoute. » Volpi lui exposa le scénario qu'il avait imaginé d'après les faits constatés. « Mouais, » maugréa le juge, « ça tient la route, votre truc. » La logique voudrait aussi que l'agresseur soit venu en voiture puisqu'il s'est volatilisé aussi vite. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre, nom de Dieu? La boucle, si toutefois elle appartient à l'agresseur, tendrait à penser qu'il s'agit d'un ouvrier ou d'un agriculteur. Oui, monsieur le juge. Nous verrons à l'autopsie si Guido s'est battu avec quelqu'un. Vous vous sentez de mener les deux affaires de front, Volpi? Apparemment, il n'y a pas de rapport avec celle de la fille Morel. Non. Si ce n'est qu'elles sont toutes deux dans le même coin. J'ai regardé à tout hasard la voiture des Ginoux. Elle ne correspond pas au signalement donné par l'anglais. Écoutez, Volpi, à dire vrai, on nage un peu dans le potage. Continuez avec l'enquête de voisinage, il en sortira toujours quelque chose. Volpi n'en était pas du tout persuadé, mais quand le juge parle, on l'écoute. Il est possible que l'inconnu revienne s'il n'a pas trouvé au fait ce qu'il voulait. Demandez à tout le monde d'avoir l'œil, on ne sait jamais. Moi, je pencherais plutôt pour de la malveillance ou de la vengeance. L'aîné des Ginoux a dû susciter de la jalousie. C'est peut-être une vieille histoire de vengeance qui remonte à des années, effectivement. Vous savez, ces paysans ont parfois la rancune tenace. Je vous tiens au courant de la moindre piste, monsieur le juge. Avant de quitter la ferme, Volpi jugea qu'il fallait battre le fer puisqu'il était chaud. Après tout, cette idée de vengeance n'était pas idiote et méritait qu'on la creusât. Il réfléchit et décida d'entreprendre Magali, la fille de Tonin Ginoux. Elle lui paraissait franche, la tête sur les épaules, une fille simple et sans détour. Elle lui dirait certainement la vérité. Magali était justement toute seule dans la grange transformée en atelier. Il se planta derrière la table qu'elle occupait et attendit qu'elle eût fini son travail pour lui adresser la parole. Il en profita pour la détailler plus à loisir. Sa chemise d'homme, nouée à la taille, mettait en valeur sa poitrine, bien que cet effet fût certainement involontaire. Ses traits étaient nets, fins, sans artifice. Volpi se prit à penser qu'avec des vêtements plus saillants et un léger maquillage, elle aurait pu faire la pige à plus d'une. Il est vrai qu'étant grande et mince, elle avait déjà un atout sérieux. « Je peux vous parler ? » demanda-t-il avec une fin timidité. « Ah, monsieur se lance ! » plaisanta-t-elle. « Non, c'est au sujet de l'assassinat de Guido. » C'est vrai que je ne devrais pas plaisanter. Ce n'est pas marrant du tout. Que voulez-vous savoir? Pensez-vous qu'on aurait pu se venger sur Guido de votre oncle ou de votre père, peut-être? Mais pour quelle raison? Mon père n'a jamais fait de mal à une mouche et n'a jamais volé personne. C'est d'ailleurs pour ça qu'on n'avait pas un radis. Quant à mon oncle Victor, c'est une grande gueule, d'accord, mais un brave type, honnête et travailleur. Si quelqu'un a voulu se venger de lui, ce n'est pas pour une affaire locale. Il n'y a que depuis quelque temps qu'il est là. La jalousie, peut-être? Dites, commissaire, c'est de me voir qui vous rend fada. Vous avez tué tous ceux dont vous étiez jaloux, vous? Pétard, si c'était comme ça, il n'y aurait que la moitié des gens sur terre. Je sais, mais je cherche une explication à ce meurtre, car c'en est bien. Vous n'avez rien remarqué en début d'après-midi? Et qu'est-ce que vous voulez que j'en remarque? Je suis toujours le nez dans mes pots de fleurs, tant et si bien que la nuit je rêve que je suis un ver de terre. Vivement que ce soit fini et que j'ai enfin affaire à la clientèle, ce sera plus gratifiant. Vous avez une salopette? La coupa Volpi. Quelle question! Non, je ne mets que des vieux pantalons et des vieilles chemises de mon père. Pour patauger dans la bouillasse, c'est bien suffisant. Après, peut-être, j'aurai une combinaison, une tenue de travail. Pour l'instant, nous n'avons rien décidé. Guido, l'ouvrier assassiné, a quitté brusquement son poste pour aller vérifier quelque chose qui l'avait intrigué. Vous ne voyez pas ce que ça aurait pu être? Magali ne répondit pas tout de suite, elle prit le temps de réfléchir et montra toute la sagacité que lui supposait Volpi. À mon avis, ce qu'il a vu, ce n'est pas quelque chose, mais quelqu'un. Quelqu'un qui s'est déplacé et le Piémontais a dû vouloir le suivre. C'est simple, non? Oui, avec vous, tout doit être simple, même la vie, mon Dieu. Comme ça doit être reposant. Apparemment, vous ne me faites pas l'impression d'être une fille à problème. Vous êtes seul, commissaire. Vous voulez vous mettre sur les rangs? « Je suis à cœur à prendre, » dit-elle dans un grand éclat de rire. « Ah !» soupira Volpi, « le mien est en petits morceaux. » Et contrairement à son habitude, il s'ouvrit à cette fille simple, saine, qui venait d'acquérir toute son estime et sa sympathie. Pourquoi tout à coup se mit-il à tout lui raconter? Il ne lui cacha rien. son chagrin après la perte de sa femme Chantal et de son fils, sa déprime, ses absences, ses angoisses. Il lui parlait même de Gilda. « Ah, dit-elle, alors je n'ai pas de chance. Vous voyez, c'est toujours comme ça. Je tombe sur un gars qui me plaît, je lui plais aussi, enfin, j'en ai l'impression, mais au dernier moment, il y a toujours quelque chose qui cloche. Il n'y en a qu'on pas de bol dans la vie, pas vrai ?» Bolpi lui décocha son plus gentil sourire. Cette fille valait qu'on s'y intéressât. « Vous verrez, quand vous aurez des contacts avec vos clients, je suis sûr que vous trouverez assez rapidement un gars sympa et qui deviendra dingue de vous. Que Dieu vous entende, commissaire !» Elle lui décocha un regard tout attendri. C'est vrai qu'il lui plaisait. Il devait être tendre et affectueux, et de plus, elle adorait son regard pâle qui vous électrisait la peau. Elle décida elle aussi de s'ouvrir à lui. « Je ne vous ai pas tout dit, commissaire. Il faut bien que je vous aide un peu. » Voilà. Depuis quelques jours, nous avons souvent des visites de curieux. Le plus souvent, ils s'arrêtent au portail et jettent un coup d'œil. Mais certains sont plus entreprenants. Ils entrent et commencent sans vergogne à fureter partout, comme s'ils étaient chez eux. Et puis, ils nous posent des questions. « Et qu'est-ce que vous allez faire ? Et pourquoi ? Et qu'est-ce que c'est que ça ? Et gna gna gna. » Moi, je leur dis de partir, mais lorsqu'ils tombent sur mon père ou pire, sur mon oncle, alors là, ça fait vinaigre. Ils s'en font jeter méchamment, avec perte et fracas. Mais pour la plupart, ce ne sont pas les gens d'ici. Alors la vengeance ou la jalousie, ça ne tient pas la route, à mon avis. Lors de ces visites, on ne vous a rien volé ? Non, je ne pense pas. Sauf, tiens, c'est vrai. Cet après-midi, en détendant le linge, je me suis aperçu qu'il me manquait un soutien-gorge et une culotte. J'ai beau chercher partout autour de l'étendoir, je n'ai rien trouvé. Et où est-il, cet étendoir ? Là, dit-elle en sortant sur le pas de la grange, regardez, à gauche de la porte d'entrée. Volpi considéra les lieux et comprit que de la grange où elle se trouvait, Magali ne pouvait apercevoir personne devant son étendoir. En revanche, de son échafaudage, Guido avait peut-être vu celui ou celle qui avait dérobé les effets de Magali, si toutefois on le lui avait effectivement volé. Mais un détail le gênait dans cette hypothèse. Il était plus plausible qu'un homme de la ferme, un des Roumains ou un maçon, ait emprunté ses sous-vêtements pour fantasmer dessus. Vous croyez vraiment que Guido aurait déployé autant d'énergie et risqué sa vie pour un simple chapardage de soutif ? Ça me paraît un peu gros, non ? Peut-être que Guido cherche un prétexte pour me plaire, qui sait ? Dit-elle ingénument. Ah, les femmes, pensa Volpi. Mais après tout, lui aussi ne vivait que d'espoir. Au fait, reprit-il, vous avez un véhicule ici ? Oui, il y a la camionnette du tonton. Sinon, nous n'avons que des mobilettes qui marchent quand elles en ont envie. Où est-elle, cette camionnette ? Là, derrière la grange, répondit Magali. Volpi alla jeter un rapide coup d'œil. Il reconnut le Renault Galion bâché, chou blanc pour le véhicule. En sortant, il croisa la déesse de Valentin qui devait venir aux nouvelles. Le soleil embrasait la campagne de ses derniers rayons, ocrant les façades et dorant les feuillages. Le vent s'était enfin calmé, et la soirée s'annonçait douce et paisible. Volpi décida de flâner un peu dans l'air immobile et le silence. Il prit d'autres chemins pour regagner le commissariat, se guidant sur la ruine du château de Puy-Ricard pour ne pas se perdre. À un petit croisement, il avisa un panonceau qui indiquait un artisanat d'art. La bicoque, perdue au milieu des champs comme un gros bloc oublié, devait être une ancienne grange et ce commerce paraissait vraiment incongru en cet endroit retiré. Cette particularité intrigua Volpi, qui stoppa aussitôt la 403, preuve que l'artisan avait finalement choisi un emplacement commercial judicieux. Le bâtiment prenait le jour par un châssis métallique vitré qui devait remplacer l'antique portail en bois à deux battants. Un tintement de carillon suspendu au dormant signala l'ouverture de la porte. Volpi fut d'emblée surpris par le contraste qu'offrait l'intérieur du local. Autant l'extérieur paraissait rustique et abandonné, autant l'intérieur dénotait une recherche de goût et d'esthétique. Contre les murs blanchis à la chaux s'alignait toute une théorie de vitrines mises en valeur par des spots judicieusement placés. L'éclairage rasant renforçait le contraste entre les aspérités des murs et la préciosité des pièces présentées. Volpi s'imprégna tout de suite de l'ambiance du local. On se sentait vraiment ailleurs, autrement, un peu comme quand on pénètre dans une église. Implicitement, il reconnut que le maître ou la maîtresse des lieux était certainement un véritable artiste. Au fond du local trônait une longue table de 4 mètres au moins, servant d'établi et de présentoir. Une jeune fille aux longs cheveux roux était assise de dos et n'avait pas bougé d'un cil au bruit du carillon. Il devait s'agir d'une petite greluche qu'il n'était là que pour le décorum, comme c'était souvent le cas. Volpi ne se formalisa pas davantage et déambula pour admirer les objets présentés. L'allée centrale était encombrée de sculptures faites de ferraille de récupération et de vieux troncs d'arbres, de vraies bêtes d'apocalypse. « Il faut avoir du cran pour mettre ça dans son salon », pensa Volpi. Dans un coin, les épouvantails à moineaux rappelaient le passé de façon amusante, voisinant avec deux grandes poupées au regard fixe et inquiétant. La vue d'un grand polichinelle lui causa, comme d'habitude, une sorte de malaise. Ici aussi un polichinelle, quelle coïncidence! En revanche, les bijoux qui ornaient les vitrines valaient vraiment le détour, notamment une série de colliers plus beaux les uns que les autres. Volpi repéra un pectoral fait de plaques de bronze finement damasquinées, qui était vraiment du plus bel effet. Il se laissa aller à l'imaginer au cou de Gilda, sur sa pommade de brune, dans le profond décolleté du suite rouge qu'elle affectionnait. Puis il la vit carrément nue, avec une chaînette à la taille. « Il me faut ce collier !» se décida-t-il. « Même si elle ne veut pas le mettre, je le pendrai au mur de ma chambre, dans un cadre. » Il se dirigea donc au fond du magasin et se planta derrière la fille dont les longs cheveux roux pendaient jusqu'à la taille. Elle avait devant elle un tiroir compartimenté d'une foule de petites cases remplies de fermoirs, perroteries et autres merveilles. Elle enfilait des perles et soulevait sa main pour les faire descendre. Volpi fut déjà surpris par l'aspect inattendu de cette main. Puis lorsque, sentant une présence, la fille se tourna, il eut une sorte de choc. Il avait devant lui non pas une fille mais une femme qui approchait la soixantaine. Malgré son visage cuivré aux traits marqués, elle conservait de sa beauté passée des yeux de braise charbonnés de col qui lui donnaient un regard langoureux. Sa bouche charnue aux commissures tombantes lui faisait une moue lascive et dédaigneuse mais à rien provocante. Sa longue tunique chamarrée façon Katmandou laissait deviner un corps amaigri, malgré un petit bedon difficile à cacher. Volpi mit la maigreur sur le compte de la cigarette et le bedon sur celui de l'alcool. Déduction peut-être fausse, mais il se trompait rarement. Lorsque la femme lui adressa la parole, sa voix grave et éraillée confirma les hypothèses de Volpi. « Bonjour, vous avez vu quelque chose ?»« Oui, un pectoral dans la vitrine, là-bas. »« Montrez-moi, » lui dit la femme de sa voix équivoque. « Ah oui, il est beau, n'est-ce pas? Moi, je l'aime beaucoup. » Elle ouvrit la vitrine, en sortit le collier et se le passa autour du cou. Elle écarta sa tunique et bomba ce qui lui restait de poitrine pour mettre en valeur le bijou. Sur elle, il avait un avantage certain puisqu'il masquait les rides entre les seins. Le bijou, la peau bronzée, le col, la tunique et la coiffure lui donnaient un vague air de momie égyptienne, pensa Volpi. N'empêche, le pectoral avait vraiment fière allure. « Oui, » murmura Volpi. « Il est magnifique. »« C'est pour offrir, je suppose. » Elle se dirigea vers la grande table pour emballer l'objet. « C'est vous qui l'avez fabriqué ?» demanda Volpi, s'attendant à une réponse négative. « Oui, c'est moi, » répondit-elle fièrement. « Comment faites-vous pour le damasquinage ?» s'étonna Volpi. « Je grave les plaques de bronze avec un petit ciseau et j'attaque certaines parties à l'acide. C'est délicat comme travail et surtout dangereux. En tout cas, félicitations. » Le résultat est magnifique. Vous êtes vraiment une artiste. C'est aussi vous qui faites ces sculptures ? Demanda-t-il en désignant les bêtes d'Apocalypse. Ah non, il s'agit d'un confrère de Nice. Pour vous dire la vérité, je les expose pour lui rendre service, mais je n'apprécie pas tellement. Moi non plus, confirma Volpi. Comme grands objets, je fais surtout les poupées là-bas. Comme ça, j'ai l'impression d'être moins seul, vous comprenez ? Oui, oui, d'autant que leurs visages sont très expressifs. Même un peu dérangeant. C'est fait exprès, s'amusa la femme en faisant les gros yeux. On aime ou on n'aime pas. Après cette promenade bucolique, Volpi passa au commissariat au cas où un fait nouveau se fût présenté. L'effort n'était pas bien grand puisque le central n'était distant que de quelques centaines de mètres de son appartement. Il gara la case 103 et avant d'entrer dans le bâtiment, alla jeter un coup d'œil à la Simca Chambord, véhicule quasiment sacré pour lui. Tout était en ordre. Michaud était perdu au milieu d'une montagne de paplards de toute taille. « Alors, Serge ?» lui demanda Volpi. « Pauvre toutou, on a déployé une toile d'araignée et tout ça pour rien. » « Explique, quand même. » Personne ne connaissait la gamine. Les seuls à l'avoir entrevue sont ceux qui prennent le car. Le gérant du bureau de tabac est dans le coin, c'est tout. Finalement, ceux qui la connaissaient un peu sont les employés du roi René. Mais elle n'en a pas appris plus que ce qu'on savait déjà. Eh bien, moi, j'ai visité sa chambre, affligeant de tristesse. Cette gosse n'était pas heureuse, c'est sûr. Finalement, l'hypothèse d'une fugue qui s'est transformée en piège mortel n'est pas impossible. Et tu penses qu'elle ne se serait pas confiée à sa copine Maryse ? Copine, copine, pas savoir jusqu'à quel point elles étaient intimes. Maryse l'a peut-être aidée, lui a trouvé un plan quelconque, et comme ça a foiré, tu penses bien qu'elle ne nous en parlera pas. Ouais, j'en ai un peu ras-le-bol pour aujourd'hui. Pas toi ? Ouais, allez, extinction des feux.